c'est une organisation vaurienne. Elle n'arrive même pas à générer les fonds pour se construire un siège. Ce n'est pas la pitié chinoise qui a donné le bâtiment qu'on voit là. Truffé de micros. Vous parlez, Xi Jinping est chez lui, il entend tout, il rigole. Ce n'est pas la pitié. Les Chinois ont dit pas pitié, pas magnanimité. Regardez tout un gros continent comme l'Afrique. Tout un gros continent. On passe le temps à dire on est potentiellement riche, on a les matières premières, on est riche. Mais vous, vous allez par pitié, Xi Jinping vous donne un truc. Qui paye les salaires? Qui paye les salaires? Vous voulez que je vous donne les priorités de ce... D'ailleurs, même, avant... Moi, vous savez, parler des histoires comme ça, moi, ça me gêne beaucoup. Voilà les priorités du sommet, là. Vous vous parlez de... Il snob le Burkina Faso. Afrique Média, le monde, c'est nous.